Cours numéro 11. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الإمام ابن حبان البستي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ذكر استحباب إفشاء السلام وإظهار البشر والتبسم Le deuxième chapitre sur Ifsha al-Salam. Parmi les bons comportements, c'est de passer le salam à son frère musulman. Wa idhar al-bishr wa tabassum. Et kadhalik, rencontrer son frère avec un visage souriant. Amma ifsha al-Salam, sayati ma'ana un dalil min al-Qur'an qu'on va citer inshallah ta'ala. كذلك الحديث كالإمام نحبان رحمه الله إلى ستة من السنة الحكم يفوند سر هذه الأدلة أي قوله ذكر استحباب إفشاء السلام donc c'est recommandé et le fait de répondre au salam c'est une obligation c'est obligatoire قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام على أن الابتداء بالسلام سنة مراقب فيها ورده فريضة. Donc passer le salam c'est recommandé et répondre au salam c'est obligatoire. ونقل الإجماع كذلك parmi les imams qui ont rapporté l'unanimité sur ce حكم. Donc c'est recommandé de passer le salam et c'est une obligation de répondre. Si quelqu'un nous passe le salam, c'est une obligation de répondre. L'imam al-Qurtubi, il a rapporté donc l'unanimité des savants. Wa hakada al-imam ibn Abdelbar et al-imam ibn Taymiyyah et d'autres. Ils se sont basés sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha huyyitum bi tahiyyatin, fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Si on vous passe le salam, al-tahiyya huna c'est... C'est, ils traduiront par le salut, le salam, et si on vous passe le salam. فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا Imma, tu réponds par un salam meilleur. مثلاً, si ton frère dit assalamu alaykum, فَأَنْتَ, tu réponds وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ Et قَوْلُهُ أَوْرُدُّوهَا Et le minimum, c'est de répondre. S'il dit assalamu alaykum, on doit répondre وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ هَذَا c'est Mimbab al-Wujub, de répondre au moins comme notre frère, il nous a passé le salam, et le minimum. Amma passer le salam, aslan, c'est une sunnah valihada. Qala ibn Hibban, rahimahullah, dhikru istihbab ifsha islam. Donc, hada, c'est hukmu hadihi al-mas'ala. C'est obligatoire de répondre, c'est recommandé de passer le salam. Qala, rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn Salih al-Tabari. قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا محمد بن جعفر المدائني قال حدثنا ورقاع الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم Donc السلام سانو parmi les noms d'Allah سبحانه وتعالى Et ce nom, il a des ma'ani azima, min ma'ani at-tanzih. An Allah subhanahu wa ta'ala, c'est salam. Et il n'est pas touché par une imperfection, azza wa jal. Salamun min al-uyub wa al-naqa'is wa al-afat, subhana. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Ses noms, ils sont parfaits. Ses attributs, ils sont parfaits. Enfin, c'est as-salam. Fahadha al-ism, c'est min asma'illahi azza wa jal, wada'ahu Allahu fil ard. Aïe, pour que on l'utilise pour se passer le salam, on dit assalamu alaykum. Qala fa afshu baynakum. Afshu, c'est le fait de le répondre entre nous. Enfin, si ton frère il te dit assalamu alayk ou assalamu alaykum, hada c'est un kalam azim. On doit lui donner de l'importance. Allez, hada, on ne doit pas négliger hada al-bab. On ne doit pas minimiser. هذه الحسنات العظيمة قال فإن الرجل المسلم إذا مر على القوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل ورحمة بتذكيره إياهم السلام. نعم. Donc il a un ajr azim, il a passé le salam à ses frères. وكذلك ça a été une cause pour que ses frères كذلك répondent. لماذا؟ لأنهم ils ont répondu à son salam. قال فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب أي الملائكة. Si ils ne répondent pas, فمن هو خير منهم وأطيب أي des êtres meilleurs que هؤلاء ils répondront أي les anges. Dans d'autres hadiths c'est cité clairement, si quelqu'un ne répond pas au salam, fa les anges y répondent à la place. هذا فيه أن celui qui a ce genre de hadith dans son cœur, et il ne les oublie pas. كذلك, il se rappelle دائماً أن passer le salam, c'est une ibad. C'est pour ça qu'on a cité le hukm, le mustahab. كذلك, il se rappelle أنه il y a une récompense énorme, alors que الفعل, c'est un simple mouvement avec la langue, c'est très très simple. Et كذلك, أن si un tel من الناس, il ne répond pas, pour une raison quelconque, si on se rappelle de tout cela, alhamdulillah, ça nous facilitera à appliquer هذه السنة. قال قبل ذلك الحديث نعم الإمام الإمام نعم الألباني لحسن. Il a été rapporté par Ibn Hibban. هنا كذلك قال المحقق أخرجه البزار والطبراني والبيهقي et بعض العلماء ضعفوه. Et Cheikh Al-Albani, il l'a hassan. Et d'autres savants, ils l'ont hassan. La'allahu avec d'autres chaînes de transmission. La chakanahu, il a des shawahid. Inna Allah, inna as-salam ismun min asma'illah. Hada sawadih fil Qur'an. Qawluhu, azza wa jal. Al-Malik, al-Quddus, as-salam, al-mu'min, al-muhaymin, al-aziz, al-jabbar, ila akhirih. Fa'al-hadith, na'am, en se basant sur la parole de l'imam Al-Albani, il est hassan. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل. العاقل أي الذي son objectif c'est d'avancer في دينه, son objectif c'est de s'améliorer jour après jour. العاقل أي الذي son objectif c'est رضا الله سبحانه وتعالى. العاقل أي son modèle c'est le prophète محمد عليه الصلاة والسلام. فالواجب عليه هذا الإنسان أن يلزم إفشاء السلام على العالم, أي de faire des efforts de passer le salam. قوله على العالم أي à ses frères croyants, c'est ça la base, c'est qu'on passe le salam à tous nos frères sans distinction d'origine ou de couleur. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة, le prophète عليه الصلاة والسلام il a informé أن parmi les signes de la fin des temps, أن الرجل لا يسلم إلا على من يعرف. الحديث il est authentique. الإمام الألباني رحمه الله il l'a cité في الصحيحة. Parmi les signes de la fin des temps, أن certains passeront le salam qu'à ceux qu'ils connaissent. Alors que là, c'est une عبادة. Tu dois passer le salam bien sûr à ceux que tu connais, من المسلمين, et كذلك à ceux que tu ne connais pas. Tant que tu sais que c'est un muslim, c'est cela la base. كذلك, on n'a pas le droit de sortir de cette base illa bidalil min kitabillah ou min sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et on essaiera d'en parler avant la fin du dars. Il ne faut pas passer le salam à certains pour certaines causes. Mathalan al-munharif al-mubtadi', l'innovateur. Wa illa fa la base, si c'est un muslim, la base c'est qu'on lui passe le salam. On peut dans certains cas ne pas passer le salam, mais on doit connaître les causes. Et on doit appliquer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait à certains, il ne leur a pas passé le salam pendant un moment. Amma, délaisser cette base et choisir à qui on passe le salam au départ, fahada, ce n'est pas permis, mais ça fait partie des signes de la fin des temps. كذلك, هذا c'est pour les muslimines. Amma الكفر من يهود ونصارى, فالنبي sallallahu alayhi wa sallam قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de commencer à passer le salam à هؤلاء. Là, s'ils nous disent السلام عليكم, on répond وعليكم, كما جاء في الحديث. قال: لأن من سلم على عشرة كان كمن أعتق رقبة. Celui qui passe le salam à un groupe de 10, musulmans, c'est comme s'il avait affranchi un esclave. هذا يحتاج إلى دليل. Et Allah a'lam, il n'y a pas de dalil ala hada. لماذا؟ لأن c'est une récompense qui est liée à l'au-delà. Et pour connaître cette récompense, il faut forcément une révélation min Allah azza wa jalla, imma hadith, imma bien sûr un verset du Coran. Et هذا يحتاج إلى دليل. Et Allah a'lam, il n'y a pas de dalil. Sauf si quelqu'un trouve un dalil, فيفيدنا إن شاء الله. قال والسلام مما يذهب إفشاؤه ما يكمن من الشحناء وما في الخلد من البغضاء ويقطع الهجران ويصافي الإخوان. Ça c'est من فضائل ومصالح إفشاء السلام. Le fait de se passer le salam entre frères, entre musulmans, il y a énormément de فوائد. Parmi ces فوائد, قال رحمه الله السلام مما يذهب إفشاؤه ما يكمن من الشحناء. Ça peut arriver بين الأخ وأخي un problème, une parole, un mauvais soupçon, et الشيطان il en profite في هذا الحال pour causer la séparation, la division. فمع إفشاء السلام ça repousse وساوس الشيطان. Et كذلك ça repousse الشحناء. الشحناء c'est ce que l'être humain il ressent parfois dans son cœur contre son frère. Un mauvais soupçon, des choses mauvaises. Si ton frère te passe le salam, khasatan avec le sourire, et encore plus s'il demande de tes nouvelles, voilà, chacun a, même si quelque chose avait pénétré dans ce cœur, avec ce salam et ce sourire, tout disparaît. On استفيد أن بالعكس أن أحيانا بين الأخ وأخيه il n'y a rien, il n'y a rien de mauvais. لكن un jour il ne lui passe pas le salam pour une raison quelconque et مباشرة الأخ يأخذ في نفسه. Pourquoi il ne m'a pas passé le salam et il se pose des questions. هنا bien sûr on doit bien faire attention. Ça peut arriver أن ton frère ne te passe pas le salam pour une raison, pas de ta faute là. Imma il a oublié, imma il ne t'a pas vu, imma il était occupé, il réfléchissait à quelque chose, imma il a des problèmes muhim. Ça peut arriver. Enfin, on fait attention à si notre frère ne nous a pas passé le salam une fois, annahu khalas, on a grandi, on gonfle la chose, que annahu hasal ma adrilla. Il n'a pas passé le salam une fois, il passera le salam la deuxième fois. Donc si ça devient habituel, fa la shak annahu fi hadha al hal, c'est qu'il y a quelque chose. Qala وما في الخلد من البغضاء. نعم ساوسامبل ا سكون فيان دو سيتي ويقطع الهجران. هذا كذلك سا اريف احيانا il y a un problème entre un frère et son frère. Ça peut être des proches de la même famille ou des voisins ou des amis, et il se passe une chose, ثم الشيطان il rentre et il divise هؤلاء ثم يتهاجرون. Ils ne se parlent plus, ils ne se passent plus le salam. في هذا الحال, si un des deux frères, il patiente et il repousse le shaitan et il combat son nefs et il passe le salam, في هذا الحال, ça va être une cause pour que هذا الهجر il s'arrête. الهجر c'est le fait de boycotter, de se détourner, ne plus parler, ne plus passer le salam à son frère. Enfin, ce frère qui passe le salam le premier, il sera la cause de cette réconciliation. Et là, chaque anahada, ça touchera son frère. Khasatan, si c'est un frère aqil, il fait partie de l'uqala. Yanna le salam, ça a une énorme importance. Inda al-mu'min. Qala wa yusafi al-ikhwan. Eh, na'am. Ça améliore les relations, etc. Il y a une fa'ida a'zam min dhalik. Le fait de se passer le salam. Dhakaraha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Une fa'ida encore plus grande que les points que l'imam Nuhibban il a cité. An Abi Hurayra radiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tadkhulu al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. النبي صلى الله عليه وسلم il a informé أن personne ne rentrera في الجنة sans croire. فلا بد من الإيمان. لأن الجنة c'est دار المؤمنين المتقين. فالجنة c'est la demeure qui est réservée aux croyants. Donc النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ولا تؤمنوا حتى تحبوا. Et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas. محبة entre le مؤمنون. نعم إنما المؤمنون إخوة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. Cette محبة, cet amour entre frères. ثم قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك il a informé est-ce que vous voulez que je vous dise une chose si vous la mettez en application ça vous permettra de vous aimer entre vous entre frères. قال أفشوا السلام بينكم. Répandez le salam entre vous, passez-vous le salam. C'est une des causes de mahabba. Voilà chacun ton frère, s'il te passe le salam, encore plus avec le sourire, encore plus en demandant de tes nouvelles, encore plus en prenant du temps pour si tu vas mal, pour te parler, etc. فلا شكنا هذا ça augmente المحبة. هذا خلق عظيم. C'est pour ça que l'imam Ibn Hibban, رحمه الله, il a cité في هذا الكتاب إفشاء السلام. الحديث l'imam Muslim, il l'a rapporté dans son sahih. ثم قال رحمه الله والبادئ بالسلام بين جنتين. Celui qui commence le salam, on ne détaillera pas هنا أحكام السلام الفقهية. Qui c'est qui doit passer le salam, le premier, le plus petit, il doit passer au plus grand. Il a akhiré ceux qui sont peu, il passe à ceux qui sont plus nombreux. Celui qui est tout seul, il passe à ceux qui sont deux, trois ou plus. هذه الأحكام المذكورة في كتب الفقه que ce soit في الصحيحين ou autre. Et من أفضل وأسهل المصادر, celui qui veut une source simple pour connaître les règles liées au salam, qu'on ne détaillera pas هنا. On essaiera de les détailler, Inch'Allah, dans une kalima. Ça pourrait être très profitable. Lakin, celui qui veut des détails, min ahsan al-masadir, parmi les sources les plus simples et les plus profitables, Risalat al-Sheikh Abdussalam ibn Barjis, rahmatullah alayh. Al-I'lam fi ba'd ahkam al-siyam. Il a une risala qui est très très courte, quelques pages, où fiha fawa'id kathira, il a cité les règles concernant le salam. Qala, huna, wal-badi'u bis-salam, celui qui commence le salam, بين جنتين بين جنتين جنتين هنا بمعنى بين أجرين il aura deux énormes récompenses إحداهما تفضيل الله عز وجل إياه على المسلم عليه بفضل درجة بتذكره إياه بالسلام نعم أي il aura un rang plus élevé que son frère musulman que l'autre. لماذا لأن c'est lui qui a passé le salam le premier. لماذا لأن dans ce point il a été la cause pour que ce musulman كذلك il réponde au salam. Donc il a أجر عظيم. قال وبين ça c'est le deuxième point. وبين رد الملائكة عليه عند غفلتهم عن الرب. وهذا تقدم معنا. Et كذلك أنه si il ne répond pas pour une raison légiférée ou autre, les anges y répondent. Donc, un musulman qui veut du ajr, فليحرص على هذه الأجور السهلة الميسرة, des récompenses très très simples, un bon comportement très facile à mettre en application. Et bien, إذن الله عز وجل. ثم قال ولقد حدثنا عمرو ابن محمد الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا شعيب ابن واقد قال حدثنا جرير قال زبيد قال زبيد الإيامي إن أجود الناس من أعطى ما لا يريد جزاءه من أحسن الناس. قال إن أجود الناس من أعطى ما لا يريد جزاءه. Parmi les meilleures personnes, ceux qui donnent une chose fi sabilillah, il ne veut pas forcément une chose en récompense. كما قال عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا وصف من أعطى لله. Ça fait partie des caractéristiques de ceux qui donnent pour Allah عز وجل. Que ça soit de l'argent ou autre. مثلا دون لو فيرس الاطعام دوني دو لا نوريتور انما نطعمكم لوجه الله با بور اون شوز ان روتور لا لله بور الله سبحانه وتعالى اي سي سيت نيا ك المتصدق اي دو افوار On donne pas pour avoir quelque chose en échange, mais umur ad-dunya, ou pour être cité, pour être complimenté. Là, limadha li anna as-sadaqa sun ibada. Wa min shurut qabul al-ibada 'inda Allah subhanahu wa ta'ala al-ikhlas. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Hakada qala 'azza wa jall. Donc al-ikhlas, la sincérité, c'est muhim. Donc, من أجود الناس من أعطى ما لا يريد جزاء. ثم قال وإن أحسن الناس عفوا من عفا بعد قدرة. كذلك هذا سان خلق جميل، سان comportement très noble. لكن il faut جاهد son نفس. Il faut se maîtriser. Il faut maîtriser sa colère pour arriver à appliquer ce genre de comportement. إن أحسن الناس عفوا من عفا بعد قدرة. Celui qui pardonne alors qu'il a la possibilité, les moyens de se venger, de répondre. لكن pourquoi il pardonne لله عز وجل. Celui qui pardonne à son frère, c'est une cause pour qu'Allah سبحانه وتعالى il lui pardonne. الجزاء من جنس العمل. ثم قال وإن أفضل الناس من وصل من قطعه. كذلك c'est un comportement عظيم. من أفضل الناس Parmi les meilleures personnes, celle qui ne coupe pas les liens de parenté. Alors que son proche, il ne veut plus lui rendre visite. Il rompt les liens de parenté. Et malgré cela, il fait des efforts pour continuer. وهذا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ. الواصل هنا أي واصل الرحيم. Et celui qui préserve, qui entretient les liens de parenté, c'est pas celui qui visite parce qu'on l'a visité. Ah là, la haqiqa, c'est du donnant-donnant. Il visite, مثلا, tel proche parce qu'il le visite. S'il ne le visite plus, il ne le visite plus. S'il ne l'appelle plus, il ne l'appelle plus. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الحديث اللي في البخاري. لكن c'est qui le واصل? Celui qui C'est qui celui qui vraiment il met en application ce comportement et le fait de ne pas rompre les liens de parenté. C'est même si on ne lui rend plus visite, on ne l'appelle plus, on le met de côté. Enfin, ouais, il fait l'effort de rendre visite. Et hada kadhalik, ça demande un jihad li hadhihi an-nafs al-ammara bis-su. Qal wa inna afkhal an-nas man bakhila bis-salam. Parmi les personnes les plus avares, c'est ceux qui sont avares avec le salam. Sahih. Niveau argent, pardonnez, ils sont touchés par cette maladie. Wa nas'alullah azza wa jal lana wa lakum as-salama wal afia. Wa pardonnez, ils ont hada limada par rapport à l'argent, il faut donner de l'argent. Et ma hada c'est madhmoum al-bukhl. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bal Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit ce comportement l'avarice. فمن أبخل الناس parmi les gens les plus avares c'est ceux qui sont avares même avec le salam. صحيح. Qu'est-ce que tu perds de passer le salam? Ben, on doit réfléchir autrement. Si tu passes le salam, كما تقدم, pense à la récompense. جاء في الحديث الصحيح أن celui qui dit السلام عليكم il a 10 حسنات. Et celui qui dit السلام عليكم ورحمة الله il a 20 حسنات. Et celui qui dit السلام عليكم ورحمة الله وبركاته il a 30 حسنات. Ma balouk, si tu passes le salam à tes proches quand tu rentres matalan chez toi, thoma quand tu sors au masjid, dans la rue, quand tu parles au téléphone, quand tu envoies un message. Alihada, huna un tambih important. Anna ja'a fil hadith, anna celui qui dit assalamu alaykum, il a 10 hasana. Celui qui dit assalamu alaykum wa rahmatullah, il a 20 hasana. On doit faire attention à les habitudes de certains, nahum. On vit à une époque, on a tout mis en abréviation. Bardal les croix, ils n'écrivent plus Assalamu alaikum. Même en arabe, pardon, ils mettent signe ou une ishara, faqat. Là, on doit s'habituer à prononcer ces mots, bien sûr, quand, avec la langue, et même avec l'écriture. Qu'est-ce que tu perds d'écrire Assalamu alaikum? بعض الإخوة في فرنسا ils écrivent pas السلام عليكم, ils écrivent SLM. لا, c'est السلام عليكم أو السلام عليك. الآن il manque une partie. On doit s'habituer à هذا. خاصة الآن avec les téléphones, les mots ils sont préenregistrés. Tu as plus qu'à taper le début, et tu as plus qu'à appuyer. Et alhamdulillah, c'est écrit. On doit s'habituer à هذا. وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء الحديث أن من أبخل الناس, parmi les personnes les plus avares, c'est ceux qui entendent le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne faut pas salat sur lui. Il y a une énorme récompense de faire un salat, dire sallallahu alayhi wa sallam quand le nom du prophète il est cité. On fait attention, les bardohum ils mettent des abréviations. On avait lu une fatwa il y a quelque temps et on l'avait propagé fi hada. Ala kulli hal, on doit pas se priver de hasanat très très simple. Et kadalik, ne pas passer le salam, ça peut blesser ton frère, akhil karim. Alihala, ça fait partie des bons comportements. Et on a cité kalam ibn Hibban sur les mérites. Au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on peut ajouter un hadith huna, avant de finir ce point. L'imam ibn Hibban, il a cité awwalan as-salam, et on a fini, il reste encore quelques athar, ou quelques kalam. Thumma, il a cité ma yata'allaq bi بشاشة الوجه للصغير etc. On peut citer هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الحديث رواه ابن ماجه الإمام الألباني لا صحح. أيها الناس أفشوا السلام, et propagez, répondez le salam, et passez-vous le salam. Wa at'imu at'am, donnez de la nourriture et aux pauvres. Wa sallu bil-layl wan nas niyam, quand tout le monde dort, donnez une partie de votre temps et de cette nuit, consacrez-la à la salat et qiyam al-layl. C'est quoi la récompense? Qala alayhi salatu wassalam, tadkhulu al-jannah bisalam, vous rentrerez al-jannah bisalam, et en sécurité. Thumma qala rahimahullah, il a rapporté le athar an Ammar ibn Yasir avec son isnad. Thumma qala haddathana na'am, il a rapporté an Ammar ibn Yasir qala thalathun man jama'ahunna jama' al-iman, celui qui a ces trois choses il a rassemblé l'iman. Ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas ces choses il n'a plus d'iman. La aqidat ahl sunnah, à la fois elle monte elle descend, mais ces trois choses c'est une cause pour renforcer, pour augmenter la foi. قال الانفاق من الاقطار, الاقطار c'est le faqr, c'est celui qui n'a pas beaucoup. مع هذا ينفق في سبيل الله, مع هذا il donne. Donc الانفاق من الاقطار, il donne alors qu'il n'a pas beaucoup. والانصاف من النفس, الانصاف c'est être objectif, reconnaître ses erreurs, s'écarter de l'orgueil. Al-Munsif ma'a nafsih, il avancera beaucoup dans son din. Qala wa badlu salam lil'alam, et kadalik passer le salam à ses frères musulmans. Qala Abu Hatim rahimahullah, al-wajib 'ala al-muslim idha laqiya akhahu al-muslim an yusallim 'alayhi mutabassiman ilayhi, inna man fa'ala dhalik tahatta minhumā khaṭāyāhumā kama yatahattu waraqu ash-shajar في الشتاء إذا يبس, وقد استحق المحبة من الناس من أعطاهم بشرى وجوههم. هذا كلام جميل. الواجب على المسلم إذا لقي أخاه أن يسلم عليه. تقدم معنا الحكم أنا le fait de passer le salam c'est مستحب, le fait de répondre c'est obligatoire. Donc ça fait partie du comportement du muslim. متبسما إليه, وهكذا rajouter un sourire avec le salam, c'est matloub. Qala, fa inna man fa'ala dhalik, celui qui fait cela, il passe le salam en souriant à son frère. Tahatta minhuma khatayahuma kama yatahattu waraqu ash-shajar fi ash-shita idha yabisa. Ay, quand ils se rencontrent et ils se passent le salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur pardonne leurs péchés. Comme les arbres, ils perdent leurs feuilles en hiver, en automne. تساقط الأوراق, certains arbres ils perdent toutes leurs feuilles. فهكذا المؤمن quand il passe le salam à son frère, c'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala il lui pardonne ses péchés. هذا جاء في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. Quand deux musulmans se rencontrent, dans le hadith, c'est précisé al-musafaha, ils se serrent la main. Ça, c'est un dalil sur le musafaha. Et en général, al-musafaha, bien sûr, le musulman est accompagné de assalamu alaikum. Et, huna, kadalik, al-musafaha al-matloub, c'est al-musafaha al-mashrou'a, comme il faisait le sahaba, radiyallahu anhu, ils se serrent la main. Amma ma yaf'aluhu al-ba'd al-an, certains gestes avec les mains pour se saluer. Enfin, on doit s'écarter de ça. On doit s'écarter de toutes ces modes, toutes ces tendances qui ne sont pas basées sur la sunna du prophète alayhi salam. Le muslim, il doit rester simple. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. On a notre modèle. On a le meilleur modèle. Le prophète Muhammad alayhi salam. On n'a pas besoin de toutes ces choses. On serre la main simplement, bihudu, avec calme. Et bien sûr, en disant assalamu alaikum. Ha'oula, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé à ces deux musulmans qui se rencontrent et qui se serrent la main. Qal, illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Allah, il leur pardonne les péchés avant qu'ils se séparent. Al-Hadith, Rawah Abu Dawood et Ibn Majah dans leur Sunan. Et Cheikh Al-Albani, il a sahah ce hadith dans Sahih Abi Dawood. Donc, un autre mérite par rapport au salam. ثم قال رحمه الله أو نطفني هذه الكلمة قال وقد استحق المحبة من الناس من أعطاهم بشر وجوههم. وهذا لا شك فيه أن الإنسان جبل على هذا. الله سبحانه وتعالى نزكري هكذا أنام الإحسان. فسي quelqu'un te passe le salam et te sourit, فلا شك tu vas l'aimer في الله عز وجل si c'est un مسلم. فلهذا قال من وقد استحق المحبة أي celui qui a ce comportement qui passe le salam et qui est souriant, les gens ils vont l'aimer. C'est ça l'asl. Et là on le répète, c'est très très important pour الدعوة. Rubam avec un salam, avec un bon comportement, tu vas propager des choses, wallahi, que tu ne pourras pas propager avec des dizaines et des dizaines de durus, avec des dizaines et des dizaines de paroles et de rappels. Lakin on néglige pas les deux. Ben la base c'est l'ilm. Et le bon comportement, kadalik, c'est très très important. ثم قال رحمه الله حدثنا ولقد حدثني محمد بن المهاجر المعدل قال حدثنا إبراهيم ابن عبد السلام العنبري قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا إسماعيل بن حماد عن سعير ابن الخمس قال قيل له ما أبشك البشاشة رجل بشوش يديد أي سوريا. فهنا قيل لسعير ما أبشك أي tu es toujours souriant, pourquoi؟ قال إنه يقوم علي برخيص. هكذا من وفقه الله سبحانه وتعالى. Vu qu'il a compris que c'est très très simple à faire. C'est pour ça qu'il a dit « Innahu yakum alayya birakhiz ». C'est très facile. Et ça ne coûte rien. En même temps, il savait l'énorme récompense. فَهَكَذَا نَحْنُ on doit essayer de faire. كَمْ مِنْ حَسَنَةً très très simple. أَحْيَانًا on néglige et الْأَجْلِ il est عظيم. الشيخ سعدي رحمه الله il a une kalima عظيمة في هذا. أي أعمال يسيرة et الْأُجُور عظيمة. Il y a un bout de temps, on devait la lire et à chaque fois on repousse. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وتوفيقه. Essayez de lire هذا الكلام, il est عظيم. Et des œuvres, pour certains, ils minimisent ces choses. Certains adhkar, se serrer la main, se passer le salam, être souriant. Des choses très très simples qui ne te demandent aucun effort. Mais la récompense, elle est énorme. Parmi ces choses, هذا فليهذا قال إنه يقوم علي برخيص. Tu le rencontres, ton frère, tu le rencontres. Qu'est-ce que tu perds de faire ce sourire? Là, la question qu'on peut se poser. Pourquoi, ahyanan, on a du mal à sourire? On doit faire attention de ce qui affecte les cœurs, de ce qui fait du mal à nos cœurs. L'ahyanan, l'insan, c'est pas qu'il peut pas, c'est très facile de sourire. Là, c'est que son cœur, il ne veut pas. Ou lui-même, il ne veut pas. Pour certaines raisons. ثم قال وأنشدني الأبرش أخو البشر محبوب على حسن بشره ولن يعدم البغض من كان عابسا تأمل هذا هذا البيت أخو البشر محبوب على حسن بشره celui qui est souriant bien sûr accompagné avec la douceur il a il sera aimé auprès des autres ولن يعدم البغض من كان عابسا العبوس c'est quelqu'un de qui a ce wasf. La chèque, Anna, il repoussera les autres. Ben, certains, ils le détesteront. Sahih, à Wardom, ils sont toujours canons, ils sont toujours en colère. Et ils repoussent les autres avec leur façon d'agir. Fahaoula, la chèque, Anna, Wardom, ils s'écarteront d'eux. Qala, wa yusri'u bukhlul mar'i vi hadki irdihi, wa lam ara mitla ljoudi lil mar'i harisa. Je n'ai pas vu une chose qui préserve. C'est comme un haris. Un haris, c'est un gardien. Et le gardien, il est là pour surveiller une chose. Et Ibn Hibban, il va citer بعض الكلام qui détaille هذا. قال أبو حاتم رحمه الله البشاشة إدام العلماء وسجية الحكماء إدام العلماء Al-idam, c'est ce que tu mets fi at-ta'am pour qu'il soit meilleur. Plus de saveur, plus de goût. Ça peut être des huiles, ça peut être des épices. Qala al-bashashatu idam al-ulama. Al-ulama, il propage al-ilm. Al-ulama, c'est les héritiers des prophètes. Et c'est des ulama, ils ont de la science et ils propagent al-ilm. Al-bashashah. Al-Bashasha, c'est être souriant. C'est idam al-ulama, comme al-idam, ça améliore la nourriture, ça l'embellit, ça donne plus de saveur. Fahakada al-Bashasha. Hakada al-Bashasha, ça améliore, ça va embellir ta da'wa et ta science. Qala wa sajiyatu al-hukama, li anna al-bishra yutfi'u nar al-mu'anada wa yuhriqu hayajan al-mubaghada. Al-Bishru, cette façon d'aborder les autres, avec un sourire, avec calme, avec sagesse, avec patience, ça éteint, yutfi onar al-mu'anada. Al-mu'anada, c'est l'inad. Sahih, ba'dhum, vous avez remarqué, khasatan min al-awam, ils ont un blocage au départ. Tu n'as même pas encore parlé et il est déjà sur ses gardes. Limada, li'anna, kathir min al-nas, ils ont peur de ce qu'ils ignorent. Et ils pensent que tu vas lui dire telle chose, c'est interdit, telle chose, c'est interdit. Il faut délaisser cette chose. On va citer un exemple niveau din. Donc, ils ont cette distance. Et hadil mu'anada. Et pardon, directement, ils se précipitent. J'accepte pas. Tu peux dire ce que tu veux, j'accepterai pas. Qala al-bishr yutfi unar al-mu'anada. Lakin, la façon d'aborder, ça peut éteindre hada al-nar. Il a comparé Al-Mu'anada à un incendie. Al-Mu'anada, c'est s'entêter à un incendie. Enfin, ça va. Hada Al-Bishr, ce bon comportement, il va éteindre cet entêtement comme l'eau, elle éteint le feu. Qala, wa yuhriqu hayajan al-mubarada. Kadhalik, ba'd an-nas, ils sont énervés. Ils ont de la rancœur, etc. Et avec un bon comportement, ça les calme. قال وفيه تحصين من الباغي كذلك ça te préservera de l'injuste. بعض الناس ils sont injustes, ils sont mauvais et ils font du mal quand ils voient sur une personne une chose. Madalan il est pas souriant, il a ri, ils essayent de s'attaquer à lui. Il m'a avec une parole, anta avec le sourire, avec le bon comportement, tu te préserves même de haoula al ashrar, de ces personnes mauvaises. قال ومن جات من السعي ومن بش للناس وجها لم يكن عندهم بدون الباذل لهم ما يملك صحيح c'est mieux que de donner de l'argent. احيانا tu peux faire énormément de bien avec ce que tu possèdes, une sadaqa min huna, aider un tel, etc. لكن احيانا البشاشه واليسر والحكمه والرفق والله ça donne des fruits encore meilleurs et encore plus profitables. Fali'ada, il a rapporté à Hisham ibn Urwa dans le أثر سويفان عن أبيه أي عروة قال أخبرت أنه مكتوب في الحكمة. Ça c'est une hikma, une sagesse de ceux qui étaient avant nous. يا بني ليكن وجهك بسطا ولتكن كلمتك طيبة تكن أحب إلى الناس من أن تعطيهم العطاء. Même si tu ne donnes pas, tu ne possèdes pas de quoi donner, Robama, les gens ils t'aimeront comme si tu leur donnais, si tu as ces comportements. قال وجهك بسطا, un visage souriant. قال وكلمتك طيبة, des bonnes paroles. Les gens ils t'aimeront que tu leur donnes ou pas. Wallahi, بعض الناس ils donnent à certains, leurs proches ou autres, et à cause du mauvais comportement, à cause de certaines réactions, à cause de certaines paroles, ils sont détestés. Lakin, dès qu'on cite مثل هذا الكلام, ça ne veut pas dire que à chaque fois que واحد il a un manque et نحن كذلك on réagit mal. Là, نصبر خاصة si ton frère il fait des efforts, encore plus si c'est un proche. S'il essaye de t'aider, أحيانا, il a des mauvaises réactions, des mauvaises paroles, un mauvais comportement. Enfin, un tas, t'essayes de faire des efforts pour améliorer, pour corriger. Et tu n'oublies pas, Al-Khayr. Wallah al-Musta'an. قال, رحمه الله. Le bab, il est assez court. فليهذا, on a lu la plupart de ses paroles jusqu'ici. فهنا نختصر. On passe directement au أثر numéro 216 عن سعيد ابن عبد الرحمن الزبيدي أو الزبيدي قال هنا كانه الزبيدي أو الزبيدي ينظر قال يعجبني من القراء كل سهل طلق مضحاك. القراء تقدم معنا أن c'est un لفظ qui est employé, ça vient de القراءة à la lecture, c'est un لفظ qui est employé à l'époque pour العلماء, ceux qui se consacraient à la science, à la lecture. فقال يعجبني من القراء كل سهل طلق مضحك. تقدم معنا dans le chapitre suivant. أي être simple, être accessible, souriant. قال فأما من تلقاه ببشر فيلقاك بعبوس يمن عليك بعمله فلا أكثر الله في القراء ضرب هذا. ضرب هذا أي أمثال هؤلاء. Encore plus ceux qui se consacrent à la science. Si tu te consacres à la science, Akhil Karim, ou si Allah subhanahu wa ta'ala akramak bittiba' sunnat al-Nabi alayhi salatu wa salam, on l'a souvent répété, on le répète, on a une responsabilité. Limada li anna Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité et kathirun min al-nas, ils te prennent pour modèle. Oh, pour eux, tu dois être un modèle plutôt. Même si, avec les faiblesses qu'on a, il a akhiré, pour certains, on doit être des modèles. Et vous avez remarqué que As-Sunni, quand il veut une chose, il a une faiblesse, un manquement, il est pointé du doigt. Alors que Obama, eux, ils font pire. Ma'a hada, Allah subhanahu wa ta'ala akramak, imma bil'ilm, imma bil'sunnah. Tu as une responsabilité. On ne doit rien aux autres. Naam, liyanna, celui qui a un bon comportement ou qui étudie la science, c'est l'illah. Lakin, الكلام هنا من حيث الدعوة من حيث faire parvenir ce bien aux autres. On a une responsabilité. Et on le répète, le comportement, ça joue un rôle énorme بإذن الله عز وجل. فلهذا قال فلا أكثر الله في القراء ضرب هذا. بعض الناس, comme on a déjà cité, même si tu as du ilm, même si tu as le hujja, même si tu as le burhan, même si tu as la preuve معك, لكن le mauvais comportement, ils ne t'écouteront même pas. Même s'ils écoutent, ils n'accepteront pas. لماذا لأن pour eux tu fais كذا, tu n'es pas souriant, tu as dit. On doit tous faire des efforts في هذا الباب. قال أبو حاتم رحمه الله لا يجب على العاقل إذا رزق السلوك في ميزان طاعة من الطاعات إذا رأى من قصر في السلوك قصده أن يعبس عليه بعمله ووجهه بل يظهر البشر والبشاشة له فلعله في سابق علم الله أن يرجع إلى الصحة الأوبة إلى قصده مع ما يجب عليه من الحمد لله والشكر له على ما وفقه لخدمته وحرم غيره مثله. هذا سان كلام طيب pour conclure. أن si ton frère il a des manquements, خاصة les ignorants, ils ont des manquements dans beaucoup de choses, on ne doit pas les prendre de haut et les rabaisser et se mettre en colère pour notre nefs. et manquer de hikma et ne plus sourire. Là, قال فلعله في السابق علم الله أن يرجع إلى الصحة الأوبة. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala il a qadaré, nous on ne connaît pas l'invisible, on ne connaît pas le destin. Peut-être que Allah il a qadaré que هذا الإنسان va se repentir. هذا الإنسان peut-être que ça sera toi la cause. Ou tu peux être une des causes. Allez, Adam, on ne doit pas se précipiter, ne pas désespérer. Kamilanas, il faut, ils ont des manquements. Thumma, avec une bonne parole, avec un bon comportement, avec un rappel, avec un conseil, ils reviennent. Et parmi les causes pour que ton conseil soit accepté, le comportement. قال مع ما يجب عليه من الحمد لله والشكر له على ما وفقه لخدمته. Et n'oublie pas que d'aller qu'à anta, si tu as des facilités à faire telle et telle chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala wafaqak. Et comme Allah t'a facilité, peut faciliter à cette personne que tu veux conseiller. Donc si on a cette aqidah dans notre cœur, c'est Allah qui facilite, c'est Allah qui nous a donné, فهكذا الله يبدوني أزطر قال وحرم غيره مثل نعم كذلك أشكر الله سواء كنسان الله سبحانه وتعالى يتعدوني إما دو علم إما لفت دي سويفر لسنة إما لفت دي كمبخندر لشوز إكسترا إدوتر ينوبا هذا الله ينلغا بدوني لحكمة دونك سادوان وبوسي شكر وparmi la reconnaissance c'est de faciliter aux autres. Et l'être humain, il aime ça. On aime tous que si quelqu'un nous dit une chose, il nous la dit poliment, calmement, avec sagesse, avec science. Ce que tu aimes pour toi, tu dois le donner aux autres. Pour conclure, on fait le tambih concernant le salam. Ibn Hibban, huna rahimahullah, il ne l'a pas cité. Et c'est important. Abad al-ulama, il le cite, fibab al-salam, en s'appuyant sur al-hadith, الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. Le مسلم il n'a pas le droit de faire le hajr à son frère plus de 3 jours. قال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Donc le مسلم il n'a pas le droit plus de 3 jours de s'écarter de son frère. Quand ils se rencontrent, هذا il se détourne, هذا il se détourne. أولا, هذا ça nous montre أن هذا الدين c'est une rahma pour le jami'. تأملوا قوله فوق ثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يحل مسلم أن يهجر أخاه. Il nous a pas dit on n'a pas le droit de ne pas se détourner de notre frère complètement. النبي صلى الله عليه وسلم il a cité cette limite de 3 jours. لماذا؟ لأن الإنسان il est ضعيف. أحيانا tu ne peux pas. C'est pas c'est une chose avec ton frère, une mauvaise parole, un problème, muhim, quelque chose, et tu as besoin de temps. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné ce temps, cette limite, 3 jours. Wa fiha khayr. C'est pour ça que, et ça c'est une faïda, si tu as un problème avec ton frère, une dispute, il a arrêté, et tu sens quand tu le rencontres un jour, une heure après, un jour après, qu'il se détourne, laisse-le. Laisse-le. L'imam al certains, ils ont besoin de temps. خاصة si tu es fautif, encore plus. Laisse-lui du temps. لماذا لأن un jour, deux jours, le sang il va refroidir, l'insan il va réfléchir, et alhamdulillah, خاصة s'il est à l'ilm et il connaît ce genre de hadith, بإذن الله, ça pourra que bien se passer. قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كذلك أن si tu sens que les 3 jours et il ne passe toujours pas le salam, enfin, ne laisse pas le shaitan vous diviser encore plus. Là, passe le salam. Celui qui passe le salam, il est meilleur que l'autre. Fi hada. Alhamdulillah, c'est une ni'ma. Kadhalik, s'il ne répond pas comme un taqaddam, les anges, ils répondent. Al-imam al-abd al-barr, rahimahullah, fi kitabihi al-nafis al-tamhid, qala ajma' al-ulama, ala annahu la yajuz il-muslim an yahjura akha fawqa thalath, illa an yakun yakhaf min mukalamatihi wa silatihi ma yufsid alayhi dina. أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنيا. Donc la base c'est que ce n'est pas permis. C'est pour ça qu'on doit craindre Allah et ne pas sortir de cette base. On n'a pas le droit de boycotter, de faire le hajr à notre frère musulman plus de 3 jours. Sauf dans un cas que l'imam Ibn Abdelbar il a cité, et هذا c'est selon l'ijma' al-ulama. Les savants ils sont tous d'accord. Sauf si c'est par rapport au dit. Il peut te faire du mal. مثلاً المبتدعة الطلاب للزنوات. الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة قال والنهي عن الهجرة ف فوق ثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين. نعم النهي on n'a pas le droit de se faire le hajr plus de 3 jours, ça c'est concernant umur ad-dunya. Tu as une dispute par rapport à un commerce, par rapport à une parole, par rapport à une réaction, un énervement, ça arrive هذا. نعم اما في حق الدين c'est autre chose. قال البغوي رحمه الله فإن هجرة أهل البدع هجرة أي هنا سبعنا الهجر c'est la même base. الهجرة c'est délaisser بلاد الكفر pour se rendre بلاد الإسلام. الهجر c'est délaisser quelqu'un pour une cause. Donc الهجر مادة هجرة c'est le fait de délaisser. C'est pour ça qu'il employait le mot هجرة هنا. إن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوب. أما se détourner, boycotter les innovateurs, les égarés, c'est da'im toujours, jusqu'à ce qu'il se repent. Et les ulama, ils se basent sur Hajr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les Ka'b ibn Malik wa sahibay, pendant plus de 40 jours. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a dit on ne fait pas le Hajr plus de 3 jours. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait 40 jours, plus de 40 jours. Jusqu'à ce que le verset, min surat al-Tawbah, il est descendu pour accepter la Tawbah de Ka'b ibn Malik. Et des deux autres compagnons, radiyallahu anhum, qui étaient avec lui. Tadkurun, cette mas'ala, on l'avait cité en détail dans l'étude du livre Tuhfatu al-Ikhwan, fi al-Hub wal-Bourd wal-Hujran, du Cheikh al-Allama Hamoud al-Tuwajiri, rahmatullah alayhi. C'est un livre réservé que sur l'alliance et le désaveu, le comportement à voir avec les koufars, le comportement à voir avec les innovateurs. Et on avait cité cette mas'ala. Ou plutôt, il avait cité la mas'ala du salam, que ce soit avec les koufars ou avec les innovateurs. Et on avait lu son kalam, il avait cité la parole de Cheikh l'Islam, de Taymiyyah et d'autres. Wallillahi alhamd, stafadna kathiran. Enfin, celui qui veut un marji' simple, enfin, cette risale. Les ulama, ils ont traité ce sujet kathiran. Lakin, on craint Allah. C'est pas celui qui a fait une bid'a, c'est forcément un mubtadi'. Na'am. Hada, il faut bien le comprendre. Peut-être qu'il ne savait pas, peut-être qu'il a une ambiguïté, peut-être qu'il s'est précipité, peut-être qu'il suit ses passions, un simple conseil, il revient. Amma al-hajr entre Ahl al-Sunnah, la yajouz, c'est une fitna. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdi al-quloub. Wallah al-musta'an. Va n'actafi bihada pour notre premier dar, si on passe au deuxième, inshallah ta'ala.